Suffrages arrachés à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti, lu par Anne Alvaro. Cinquième et dernier épisode, La force des choses, 2. J'avais 44 ans, j'étais reléguée au pays des ombres. Quand une chance s'offrit de renaître encore une fois, je la saisis. Juillet s'achevait. J'allais descendre en auto à Milan, où Sartre me rejoindrait en train, et nous voyagerions pendant 2 mois à travers l'Italie. Bost et Co., cependant, envoyés par l'éditeur Nagel pour faire un guide, se préparaient joyeusement à s'envoler vers le Brésil. Ils s'achetèrent des smokings blancs, et Bost nous convia à fêter leur départ autour d'un aïoli. Je lui suggérais d'inviter aussi Claude Lanzmann. La soirée se prolongea tard, on but. Le matin, mon téléphone sonna. C'était Lanzmann. Je voudrais vous emmener au cinéma. Au cinéma? Pour voir quel film? N'importe lequel. J'hésitais. Mes dernières journées étaient chargées, mais je savais que je ne devais pas refuser. Nous prîmes rendez-vous. À ma grande surprise, dès que j'eus raccroché, je fondis en larmes. 5 jours plus tard, je quittais Paris. Debout au bord du trottoir, Lanzmann agitait la main, tandis que j'embrayais. Quelque chose était arrivé. Quelque chose, j'en étais sûre, commençait. J'avais retrouvé un corps. Égarée par l'émotion des adieux, je tournais en rond dans les banlieues, puis je filais sur la Nationale 7, heureuse d'avoir devant moi ce long ruban de kilomètres pour me souvenir et pour imaginer. Pendant ses vacances, Lanzmann avait fait un voyage en Israël. Nous nous étions écrits. Il revint à Paris 2 semaines après moi, et nos corps se retrouvèrent dans la joie. Nous commençâmes à bâtir notre avenir en nous racontant le passé. Pour se définir, il disait d'abord « Je suis juif ». Ces mots, j'en connaissais le poids, mais aucun de mes amis juifs ne m'en avait fait pleinement comprendre le sens. Leur situation de juif, du moins dans leur rapport avec moi, ils la passaient sous silence. Lanzmann la revendiquait. Elle commandait toute sa vie. Enfant, il l'avait vécu d'abord dans l'orgueil. « On est partout », lui disait fièrement son père en lui montrant la carte du monde. Quand, à 13 ans, il avait découvert l'antisémitisme, la terre avait tremblé, tout avait craqué. Il avouait « Oui, je suis juif ». Et aussitôt, le langage était aboli, l'interlocuteur se changeait en une bête aveugle, sourde et furieuse. Il se croyait coupable de cette métamorphose. Au même instant, réduit à une notion abstraite, un juif, il se sentait expulsé de lui-même, au point qu'il ne savait plus s'il n'était pas moins mensonger de répondre non que oui. Rejeté dans sa différence, à l'âge le plus conformiste, cet exil le marqua pour toujours. Il se rétablit dans l'orgueil, grâce à son père, un résistant de la première heure. Lui-même organisa un réseau au lycée de Clermont-Ferrand et à partir d'octobre 43, se bâtit dans le maquis. Ainsi, son expérience ne lui découvrit pas dans les juifs des humiliés, des résignés, des offensés, mais des lutteurs. Les 6 millions d'hommes, de femmes, d'enfants exterminés appartenaient à un grand peuple qu'aucune prédestination ne vouait aux martyrs, mais victimes d'une arbitraire barbarie. Pleurant de rage la nuit en évoquant ces massacres, par la haine qu'il voit aux bourreaux et à leurs complices, il reprit à son compte l'exclusion qui l'avait frappé. Il se voulut juif. La présence de Lanzmann auprès de moi me délivra de mon âge. Grâce à lui, 1000 choses me furent rendues. Des joies, des étonnements, des anxiétés et la fraîcheur du monde. Ce matin, le général Massu a pris la responsabilité du maintien de la sécurité dans l'agglomération algéroise. Le général Massu, qui a la réputation d'être un homme énergique, a inauguré ses nouvelles fonctions en déclenchant une opération casbah qui a commencé au milieu de la nuit pour se terminer vers midi. Je n'admettrai pas qu'une minorité dehors la loi ne fasse régner la terreur et impose de sa volonté à l'immense majorité des bons citoyens. Alger sera donc entouré, compartimenté, étroitement contrôlé, c'est-à-dire protégé et assaini. Habitants d'Alger, montrez que vous voulez vivre et non mourir de faim. Montrez que votre volonté de paix est plus plus forte que la volonté de guerre du FLN. Ce n'est pas de mon plein gré, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai laissé la guerre d'Algérie envahir ma pensée, mon sommeil, mes humeurs. Le conseil de Camus, défendre malgré tout son propre bonheur, personne n'était plus enclin que moi à le suivre. Il y avait eu l'Indochine, Madagascar, le Cap Bon, Casablanca. Je m'étais toujours rétabli dans la sérénité. Après la capture de Ben Bella et le coup de Suez, elle s'effondra. Le gouvernement allait s'entêter dans cette guerre. L'Algérie obtiendrait son indépendance, mais dans longtemps. À ce moment où je n'en entrevoyais plus la fin, la vérité de la pacification acheva de se dévoiler. Ma propre situation dans mon pays, dans le monde, dans mes rapports à moi-même, s'en trouva bouleversée. Il est encore trop tôt pour connaître le bilan exact des incidents déplorables, mais faciles à expliquer, qui ont marqué les obsèques de 5 des jeunes victimes de l'attentat à la bombe du casino de la Corniche. Il faut savoir que les 3 jeunes filles et les 2 jeunes gens qui ont été enterrés aujourd'hui au cimetière de Saint-Eugène faisaient partie de la génération des moins de 30 ans à Alger, où tout le monde se connaît et se rencontre. Un matin, vers la fin de mai 1960, Gisèle Halimi me téléphona et me demanda d'urgence un rendez-vous. Je la retrouvai à la terrasse ensoleillée de l'Oriental, avenue d'Orléans. Elle revenait d'Alger, où elle avait été défendre, le 18 mai, une Algérienne. Gisèle Halimi l'avait encouragée à porter plainte et à demander une enquête qui nécessitait un nouveau délai. Voulais-je me charger d'écrire un article pour le réclamer ? Oui, bien sûr. Pour Djamila Boupacha, ce qu'il y a de plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. Il semble pourtant impossible que l'opinion demeure indifférente à la tragédie qu'est en train de vivre une jeune fille de 22 ans, Djamila Boupacha. En septembre 1959, une bombe, qu'on désamorça avant qu'elle eût explosé, fut placée à la brasserie des facultés d'Alger. 5 mois plus tard, Djamila Boupacha fut arrêtée. Son procès va s'ouvrir le 17 juin. Aucun témoin ne l'a identifié. Il n'existe contre elle pas l'ombre d'une preuve. Pour établir sa culpabilité, il fallait des aveux. On les a obtenus. Dans la plainte en séquestration et torture qu'elle vient de déposer, Djamila les rétracte et elle décrit les conditions dans lesquelles elle les a passées. Les voici, telles qu'elle les rapporte. La nuit du 10 au 11 février, une 50aine de gardes mobiles, de harkis, d'inspecteurs de police, firent irruption dans le domicile où Djamila vivait avec ses parents. Ils l'abattirent, ainsi que son père et son beau-frère, et ils emmenèrent les 3 suspects à El Bihar. 5 jours plus tard, elle fut transférée à Hussein-Dé, où 2 militaires et 3 inspecteurs en civil lui administrèrent le second degré. On lui fixa des électrodes au bout des seins avec du papier collant scotch. Puis on les appliqua aux jambes, à l'aine, au sexe, sur le visage. Des coups de poing et des brûlures de cigarettes alternaient avec la torture électrique. Ensuite, on suspendit Djamila par un bâton au-dessus d'une baignoire et on l'immergea à plusieurs reprises. « On va pas te violer, ça risquerait de te faire plaisir », lui dirent, quelques jours plus tard, les hommes qui la questionnaient. Et Djamila précise, « On m'administra le supplice de la bouteille. C'est la plus atroce des souffrances. Après m'avoir attaché dans une position spéciale, on m'enfonça dans le ventre le goulot d'une bouteille. Je hurlais et perdis connaissance pendant, je crois, 2 jours. » Les hommes qui interrogèrent Djamila continueront-ils à mener paisiblement leurs atroces activités ? Il est temps de leur prouver que dans cette Algérie qu'ils disent française, ils ne peuvent pas violer impunément les lois de la France. Le vieil Abdelaziz Boupacha, père de Djamila, exténué et éperdu, a crié désespérément. « De Gaulle a interdit la torture !»« De Gaulle, » répondit le capitaine qui dirigeait les opérations, « qu'il fasse la loi chez lui. Ici, c'est nous les maîtres. » Quand les dirigeants d'un pays acceptent que des crimes se commettent en son nom, tous les citoyens appartiennent à une nation criminelle. Consentirons-nous à ce que ce soit le nôtre ? L'affaire Djamila Boupacha concerne tous les Français. Si le gouvernement atterre moi, c'est à l'opinion de faire pression sur lui, d'exiger impérieusement le renvoi du procès de Djamila, l'aboutissement de l'enquête qu'elle réclame, une surprotection pour sa famille et pour ses amis, et pour ses bourreaux, les rigueurs de la loi. Le Monde, 3 juin 1960. Blanchot, Nadeau, quelques autres, prirent l'initiative d'un manifeste où des intellectuels reconnaîtraient le droit à l'insoumission. Sartre le signa, ainsi que toute l'équipe des temps modernes. Bien sûr, seule une minorité restreinte prendrait le chemin de l'illégalité. En l'épaulant, et par là en nous mouillant nous-mêmes, nous espérions radicaliser une gauche déplorablement respectueuse. Manifeste des 121. Déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie, 6 septembre 1960. Nous respectons et jugeons justifié le refus de prendre les armes contre le peuple algérien. Nous respectons et jugeons justifié la conduite des Français qui estiment de leur devoir d'apporter aide et protection aux Algériens opprimés au nom du peuple français. La cause du peuple algérien, qui contribue de façon décisive à ruiner le système colonial, est la cause de tous les hommes libres. Signataires, Arthur Adamoff, Robert Antelme, Georges Auclair, Jean Baby, Hélène Balfé, Marc Barbu, Robert Barra, Simone de Beauvoir, Jean-Louis Bédouin, Robert Benayoun, Maurice Blanchot, Roger Blin, Arsène Bonafou-Murat, Geneviève Bonnefoy, Raymond Borde, Jean-Louis Bory, Jean-Laurent Bost, Pierre Boulez, Vincent Boulez. Une manifestation surprise, contre le fascisme et le racisme, fut projetée pour le 18 novembre. Ce furent essentiellement des jeunesses communistes qui l'organisèrent. Le lieu de rencontre fut tenu si secret que, lorsque notre ligue se rassembla devant le Paramount, personne ne savait où aller. Des dizaines de cars de police stationnaient place Saint-Germain-des-Prés, la rive gauche était en état de siège. Vigier nous donna le mot, Strasbourg-Saint-Denis, allez-y en métro, nous conseilla-t-il. Je descendis les marches avec Sartre, Lanzmann, Adamoff et Masson. À Strasbourg-Saint-Denis, la foule des samedis soirs remplissait les trottoirs. Il me sembla qu'elle allait noyer les groupes en attente, disséminés ça et là. Mais Lanzmann me rassura. Tu verras, dans une minute, tout d'un coup, ça va prendre. Et à l'instant surgit un cortège portant une pancarte « Paix en Algérie », auquel déjà des centaines de gens s'agglutinaient. D'autres arrivaient de partout. Nous avons couru et nous nous sommes rangés derrière l'inscription, à l'avant du défilé. J'ai pris le bras de Sartre et celui d'un inconnu, constatant avec surprise que devant nous, à perte de vue, le boulevard s'étendait, désert. Il était à sens unique. Derrière nous, le cortège bloquait le trafic. Dans toutes les rues transversales, des autos opportunément tombées en panne au milieu de la chaussée créaient des embouteillages qui empêchaient les cars de police de passer. Nous avons envahi aussi les trottoirs. On aurait pu croire que Paris nous appartenait. Il y avait une grande gaieté dans cette foule en marche, étonnée de sa liberté. Et comme je me sentais bien, la solitude est une mort, et en retrouvant la chaleur des contacts humains, je ressuscitais. Nous arrivâmes à Richelieu-Drouot. Au moment de nous engager sur le boulevard Haussmann, il y eut un remous et une débandade. Les flics s'étaient mis à cogner, une quantité de gens se sont engouffrés dans une rue à droite. Lanzmann, Sartre et moi, nous les avons suivis. Nous avons tourné à gauche, nous sommes entrés dans un bistrot, qui a vivement fermé ses portes derrière nous. Lanzmann invectiva le patron. Vous avez peur? Ah, je n'ai pas envie qu'on me casse tout, a dit le patron. Le tabac du coin l'autre jour, il a voulu faire le malin. Il est resté ouvert, les flics se sont amenés, 2 millions de dégâts. Vers 11 heures du soir, Faux a téléphoné. Libération venait de l'avertir que le 42 rue Bonaparte avait sauté. Le plastique avait été déposé au-dessus de chez Sartre. Nelson Algren, février 1962. Mon vieil hibou, je n'ai pas écrit depuis longtemps. Eh bien, ce pays, non seulement est fou, mais pire, se complaît dans sa folie que c'est à en vomir. 3 officiers convaincus d'avoir torturé à mort une musulmane, de surcroît l'ayant avoué, ont été tranquillement blanchis par un tribunal qui les a relâchés sans leur infliger même un jour de prison. Je croyais, je voulais avoir en vous mon dernier locataire, mais en ce moment, une douzaine de locataires se baignent dans votre baignoire, cuisinent dans votre four, dorment dans votre lit. Quelqu'un, en effet, a téléphoné à ma concierge qu'un attentat se préparait contre moi, et j'ai fait appel à des étudiants, des jeunesses communistes pour la plupart. Ils occupent la maison, avec l'espoir de capturer l'ennemi. Grâce à eux, je n'ai pas encore été plastiquée, alors que tant d'autres l'ont été. Je vis ailleurs, avec ce pauvre Sartre dont personne ne veut comme locataire. Nous nous cachons sous un faux nom, dans un grand meublé lugubre, quelque part dans un laid et opulent quartier, avec pour consolation le spectacle de la Seine qui coule sous nos fenêtres. Les événements se précipitent, je ne peux tout vous relater. Il y a eu la tuerie du 8 février, une atrocité hideuse, les flics, entre autres gentillesse, étranglant de leurs mains un jeune garçon. Bon, la paix est signée, ça y est. Cette paix que nous avons tant souhaitée et qui pourtant n'apporte aucune joie. Trop de morts algériens. On parle de 2 millions et de camps de concentration comparables à ceux des nazis. De votre côté, le ciel s'éclaircit au contraire. Que pensez-vous de Kennedy? Il semble après tout qu'il fasse de réels efforts pour établir la paix. Voilà notre vie tranquille. J'aimerais dire adieu à Chicago avant de mourir. Je vous embrasse aussi tendrement que toujours. Votre Simone. Il y a eu dans ma vie une réussite certaine, mes rapports avec Sartre. En plus de 30 ans, nous ne nous sommes endormis qu'un seul soir désunis. Ce long jumelage n'a pas atténué l'intérêt que nous prenons à nos conversations. Chacun de nous écoute toujours l'autre avec grande attention. Cependant, nos pensées se sont si assidûment critiquées, corrigées, soutenues, qu'elles nous sont toutes communes. À partir d'un mot, d'une sensation, d'une ombre, nous parcourons un même chemin intérieur et nous aboutissons simultanément à une conclusion, un souvenir, un rapprochement, pour un tiers tout à fait inattendu. Il y a des jours si beaux qu'on a envie de briller comme le soleil, c'est-à-dire d'éclabousser la terre avec des mots. Il y a des heures si noires qu'il ne reste plus d'autre espoir que ce cri qu'on voudrait pousser. D'où vient, à 55 ans, comme à 20 ans, cet extraordinaire pouvoir du verbe? Je dis « rien n'a eu lieu que le lieu » ou « un et un font un », quel malentendu, et dans ma gorge monte une flamme dont la brûlure m'exalte. Sans doute les mots, universelle, éternelle, présence de tous à chacun, sont-ils le seul transcendant que je reconnaisse et qui m'émeuve? Ils vibrent dans ma bouche et par eux je communie avec l'humanité. Je revois la haie de noisetiers que le vent bousculait et les promesses dont j'affolais mon cœur quand je contemplais cette mine d'or à mes pieds. Toute une vie à vivre. Elles ont été tenues. Cependant, tournant un regard incrédule vers cette crédule adolescente, je mesure avec stupeur à quel point j'ai été flouée. Mars 1963. Pages arrachées à Simone de Beauvoir. Texte choisi par Christine Spianti. 5e et dernier épisode. La force des choses. 2. Avec Anne Alvaro, Simone de Beauvoir et les voix de Hervé Furic et Renaud Danner. Prise de son, montage, mixage, Olivier Dupré, Cyril Métro. Assistante, Alexandra Malka. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.